Sono segna Gesù e ta mirabile. Sono surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois. Seigneur des seigneurs, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de Seigneur, tu es le désir profond de mon cœur. Laisse-moi chanter gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, ô Seigneur de gloire. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. Alléluia. Nous élevons tous nos mains devant son trône. Parce qu'il est présent, alléluia. Pour la con Jésus. Alléluia. Alléluia. Souverain, souverain, souverain Dieu. Alléluia.